comme vous le savez, l'objectif de ce programme, c'est de partager avec vous les bienfaits du Seigneur dans la vie de ses serviteurs, bienfaits qui, nous le croyons, peuvent susciter en vous la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur la croix pour le rachat de l'humanité. Merci d'avoir répondu à notre invitation, évangéliste Ignepoi. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons sur notre plateau. Merci beaucoup. Dites-nous, évangéliste, quels faits majeurs vous ont marqué dans votre vie jusqu'à ce jour? C'est un témoignage qui a marqué ma vie, qui a pour titre « De la mort à la vie ». En 1994, j'ai été invité à Yamoussoukro par une sœur en Christ pour des problèmes démoniaques. J'y suis allé, j'ai organisé une grande veillée de prières où il y a eu des miracles. Toute la nuit du 9 février 1994 jusqu'au matin du 10 février. Après cette veillée, j'ai demandé à rentrer à Abidjan pour me rendre à Dabo où j'ai ma résidence. Et lorsque je suis sorti de la maison, j'ai pris le car à la gare à Yamoussoukro. La société n'existe plus, mais c'est nommé YT. Je suis monté dans le car vers les 7 heures du matin et j'étais assis tout juste derrière le chauffeur. On était deux sur le siège. Je me suis incliné pour prier comme d'habitude pour remettre mon voyage entre les mains de Dieu. Et pendant cette prière, j'ai eu un message. Dans la prière, le Seigneur me disait, « Mon serviteur, tes ennemis sont nombreux. Ils t'attendent en chemin pour broyer le car et te détruire, mon serviteur. » Je vous assure, je n'ai eu l'idée de descendre du car. Mais l'Esprit de Dieu m'a animé pour dire à l'Éternel, « Qui est plus fort que toi, Éternel des armées? Qui est puissant comme toi? » J'ai l'assurance que si le car a été broyé par mes ennemis, tu pourras me faire sortir vivant. Après avoir donné cette réponse à Dieu, j'ai achevé ma prière et le car a démarré. Durant le trajet, je voyais que le chauffeur était à une allure vertigineuse. J'ai commencé à lui dire, « Monsieur le chauffeur, votre allure nous fait courir des risques. Réglez votre vitesse, sinon on ne pourra pas arriver à Abidjan. » Et comme les chauffeurs, lorsqu'on leur dit de réduire la vitesse, c'est en ce moment-là qu'ils accélèrent la vitesse. Et il était vraiment à une vive allure. Et comme je venais de la veiller, j'avais sommeil. Donc, je me suis endormi profondément. Et ce que je vais dire maintenant là, c'est ce qui m'a été raconté, car mes yeux n'ont rien vu. C'était le 10 février 1994, dans la matinée, entre 8h et 7h. Il semble que nous avons eu un accident très grave. C'est une collision de notre car et celui qui venait d'Abidjan, après tout maudit. Et quand la collision a eu lieu, il y a eu 29 personnes décapitées à morceaux. Et mon voisin, semble-t-il qu'il était directeur départemental à Boaké, mais il est originaire de Yamoussoukro, il était dans le car avec moi. Et dans l'accident, il m'a été dit que le monsieur a été broyé comme pâte d'arachide. Et comme entre le chauffeur et nous, il y a un grillage dont sa chair est sur le grillage. on ne pouvait pas le reconnaître. Quant à moi, d'après ceux qui ont pris mon corps, il y avait un monsieur dont les bras enlevés, qui était mort. Le chauffeur était couché sur le corps de ce monsieur-là, aussi mort. Et moi, j'étais couché sur ces deux corps, mais presque mort. Et ceux qui ont fait la veille avec moi, quelques minutes après, ils arrivaient sur le lieu. Et le chauffeur qui m'avait accompagné à la gare a reconnu le cas. C'est ainsi qu'il a dit à son patron, c'est ce cas qui transportait le serviteur de Dieu. Les gens ne croyaient pas. Mais comme lui, il était convaincu, il est descendu. Et d'après ce qu'il m'a dit, il y a des bras décapités qui sautaient sur les lieux, des têtes enlevées qui sautaient. Il avait peur, mais il cherchait mon corps. Et de loin, il me voyait couché sur ces deux corps, me couvert de sang et que j'étais méconnaissable. Il a dit, venez, il est parmi les morts, le voici. Les gens ont commencé à pleurer en sautant les morceaux des corps déchirés pour arriver où j'étais couché. Et d'après ce qu'ils ont entendu, quand ils sont arrivés à mon corps en pleurant, il y a une voix qui est sortie de ma bouche. Ne pleurez pas, c'est pour la gloire de Dieu. J'étais vraiment dans la mort et lorsqu'ils ont entendu ma voix, j'ai dit à mes auditeurs que ce témoignage me fait couler des larmes parce que ça me fait revivre ce moment-là. Et c'est réel, c'est plein de souvenirs douloureux et aussi on voit la manifestation de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu envers son serviteur. Amen. Et lorsqu'ils ont entendu ma voix, ils ont eu le courage pour dire qu'il est vivant. Et comme le lieu n'était pas loin de Toumoudi, ils ont pris mon corps dans la bâchée qui les transportait pour m'amener rapidement à l'hôpital de Toumoudi. Arrivé là-bas, les médecins ont vu que je n'étais pas vivant. Et ils ont pris mon corps pour me déposer à même le sol. Et on voyait que je n'avais plus de vie parce que quelles étaient mes blessures? La tête est fracturée par là. L'air droit est déchiré, la peau est enlevée. Le menton est fendu en deux. La langue est déchirée en deux. Les deux bras sont cassés. Les deux pieds sont cassés. Tout le sang a coulé. Je n'ai plus de sang et j'étais en édème avec l'eau qui était dans mon corps. Il n'y avait plus de sérum à faire. Il n'y avait plus de gestion à faire. Et d'après leur analyse, je n'avais seulement qu'un litre de sang dans mon corps. Tout était versé. Donc, d'après les médecins de Toumoudi, il fallait qu'on me dépose à même le sol et qu'après, on me transporte à la morgue de Toumoudi. Ce temps de prendre mon corps pour m'amener à la morgue, ça leur prenait du temps. Les gens tournaient sur eux-mêmes. Et ceux qui m'ont envoyé là étaient au dehors. Pour dire, si il n'est plus possible pour lui, remettez quand même son corps. Et les médecins ont dit non, c'est pas possible. Vaut mieux qu'on garde son corps à la morgue. Et c'est dans ces discussions avec les médecins, 30 minutes, durant qu'un commissaire de police que ces gens connaissaient, et ils ont dit à ce commissaire-là que oui, on a envoyé notre frère qui est là, il est dans la mort, On dit qu'on peut, on peut rien faire pour lui. On leur demande de remettre son corps. Les médecins ne veulent pas. On veut le conduire à la morgue. Donc, on ne sait que faire. Et c'est le commissaire, d'après ce qu'ils m'ont dit, qui allait dire au médecin traitant que si on réclame le corps, qu'il soit complètement mort, qu'on ne peut rien faire, remettez le corps. Et c'est à ce moment-là, ils ont laissé mon corps. Et ils ont pris mon corps pour me déposer dans la bâchée pour la direction. Il dit, bon, faut-il aller à Abidjan? Abidjan est loin. Vaut mieux repartir à Yamoussoukro. Et ils ont pris la route pour Yamoussoukro. Et j'étais imbibé de sang. Ceux qui étaient dans la bâchée pleuraient avec moi. Et on m'a amené à Yamoussoukro. D'après eux, à l'entrée de Yamoussoukro, j'ai donné encore des paroles de résurrection. Et ces versets de résurrection qui sortaient de ma bouche pendant ce voyage de tout le monde à Yamoussoukro ont encore donné l'espoir à ces personnes. Mais il était midi lorsqu'ils sont arrivés au CHR de Yamoussoukro. Dès qu'ils sont arrivés, bon, le corps médical est au repos, les médecins sont allés à la maison. Et le médecin qui était de garde, c'est un médecin pour qui j'avais prié une fois à Yamoussoukro. Il arrive, mon corps est à même le sol, il fait ses analyses, il voit qu'il n'y a plus d'espoir. Il a demandé qu'on me dépose à terre. On m'a déposé à terre. Il a dit qu'il n'y avait plus de sang, il a pris ma tension. Ma tension était 6,5. La tension est tombée. Il a vu qu'il n'y a plus d'espoir. Il voit qu'il n'y a plus de sang. Et il ne sait que faire. Il est dans le désespoir. Et j'étais entouré de plusieurs personnes à l'hôpital, pleurant pour moi. Et il y a eu un cri, une voix qui est sortie de ma bouche pendant ce coma profond. Joseph, Joseph. Non, ce n'est pas ce nom qui est sorti premièrement. Le premier nom qui est sorti de ma bouche, Sandokan, Sandokan, Sandokan, cesse tes pressions, laisse mes pieds. Cesse tes pressions, laisse mes pieds. De qui il s'agissait? Il s'agissait d'un orphelin que j'ai élevé qui est à la maison. Donc, les gens se demandent qui s'appelle Sandokan. Et ma femme était là, on demande à ma femme de qui s'agit-il. Comme ma femme ne se retrouvait pas, c'est une dame qui connaissait l'enfant qui dit, mais il s'agit de l'enfant qui est chez toi à la maison. Bon, selon les médecins, je suis en train de délirer, hein, parce que je ne suis pas vivant. Donc, ils n'ont pas pris ça en considération. Pourtant, c'est des choses réelles qui se passaient par l'Esprit de Dieu. J'ai vu la gloire et les œuvres du Saint-Esprit dans ma vie. Toujours dans un état d'inconscience profond, vous dites un nom, Sandokan, Sandokan, laisse mes pieds, je crois que c'est ce que ça veut dire, hein? Sandokan, laisse mes pieds, et là, votre femme est présente, une dame parvient à expliquer que Sandokan, c'est cet enfant qui est chez vous à la maison. Bon, jusque-là, vous êtes dans un coma profond. Très profond, oui. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite... Plus tard, mais pas immédiatement. Oui. Plus tard, j'ai fait un an à l'hôpital. Et c'est un enfant que j'aime. Il a perdu son père, sa mère. Je l'aime, je vais l'élever. N'allons pas trop vite en besogne. Oui. Un an à l'hôpital. Bon, là, vous êtes dans un coma profond. Oui. Est-ce que les médecins espèrent? Est-ce que la famille espère? Non, non, il n'y avait plus d'espoir. Mais pourquoi vos proches ne vous sont pas ramenés à la morgue? Bien, les médecins, c'est le médecin qui décide. Si le médecin a décidé qu'on m'amène à la morgue, on doit m'amener à la morgue. Mais mon corps était dans un coma profond qu'on appelle au troisième niveau, c'est-à-dire le dernier degré plus grave. Mais le médecin traitant qui était là, il était ému de compassion. Comment un tel serviteur de Dieu rend l'âme? Donc, il a tenté. Les gens disaient, mais il faut faire une perfusion. Mais il n'a pas eu cette force de faire la perfusion. Mais il fallait maintenant un autre produit pour tenter de faire quelque chose pour essayer de remonter un peu le sang et la tension. Donc, il m'a dit que le lendemain, il a repris la tension, c'est un peu monté. Donc, ça lui a donné l'espoir. Donc, il allait chercher des produits à la pharmacie pour faire une injection pour remonter le sang. Mais il ne sait où piquer, puisque tout, je suis en œdème. Et d'après le médecin, il a dit, même si quelqu'un est décédé, pour faire le formol, c'est par le cou. Donc, lui, il va tenter par le cou pour faire le produit. Et c'est par le cou, il a réussi à retrouver des veines et le produit est entré dans mon corps. Et je commence à reprendre vie, mais toujours dans le coma. La tension a commencé à monter à un niveau normal. Ils ont commencé à voir le sang qui revient. Et cela lui donne l'espoir. Et ils se sont rendus à l'hôpital, au bloc opératoire, parce que l'œil qui est déchiré, il faut rapidement remettre la peau. Parce que si la peau est morte, l'œil sera sans peau. Donc, il a fait la suture de l'œil droit, toujours pendant mon coma, la suture du crâne fracturé, le menton fracturé, et même le bras fracturé. Parce que j'ai fait 1 mois, 2 semaines dans le coma. 1 mois, 2 semaines. Et même après mon coma, je n'ai vu que des cicatrices sur ma tête et sur moi. Parce que beaucoup de plaies étaient guéries avant que je ne sorte du coma. Et la gravité de mes blessures, c'était sur les jambes. Sur les jambes, le pied droit est fracturé, le tibia a été arraché et s'est perdu dans le corps. La chair a été arrachée, il ne restait qu'une petite partie de la chair sur le pied droit. Et d'après ce que le médecin disait, il y a eu des herbes, la terre rentrée dans mon pied, tout était sale. Tout était sale. Quant à la jambe gauche, c'est au niveau de la cuisse, la fracture a eu lieu. Donc, les os qui sont fracturés sont sortis par la chair. Sont sortis par la chair. Et il a dit, mais le pied droit n'a plus d'espoir, vaut mieux l'amputer. Mais quand il veut faire cette opération, il est retenu par un esprit de compassion. Pourquoi un tel serviteur va avoir une jambe coupée? Je veux attendre d'abord. Et ils ont mis des plâtres. Et quand je suis sorti du coma, j'étais couché sur un lit de l'hôpital, la tête plâtrée, les bras, les pieds. Et ma femme était arrêtée à côté de moi. Je lui ai dit, mais chérie, qui m'a amené là où je suis? Ici, c'est où? Qui m'a amené ici? Elle a mis sa main sur ma poitrine pour dire, mon chéri, du courage, tu as eu un accident de circulation. J'ai dit, mais c'est quel accident j'ai eu? C'est quel accident j'ai eu? Et je commence à regarder mes pieds. Je vous assure, quand ils ont ouvert le plâtre, que j'ai vu vers les chevilles de mon pied droit, le morceau de l'os, et vers le genou, l'os qui fait couler du pus, J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, qu'ai-je fait? J'ai dit à ma femme, envoie-moi une serviette pour bander mes yeux. Je ne peux pas accepter de regarder ces blessures. Je ne peux pas. Je suis tombé encore dans le coma. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Ma femme était enceinte de 6 mois lorsqu'elle venait pour voir l'état de son mari. Et dès qu'elle m'a vu à l'hôpital, elle a eu des menaces d'avortement parce qu'elle ne pouvait pas tenir. Elle a commencé à saigner. Il fallait des gynécologues pour venir à son secours également. Elle était aussi dans la mort à côté de moi. Le Seigneur est merveilleux. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Ma femme est hospitalisée en même temps que moi. À la dernière minute, on prend sa tension. Sa tension est 17-10. Les gynécologues ont peur. Elle va mourir par éclampsie. Ça dit à l'accouchement, elle va mourir. Donc on demande qu'elle soit hospitalisée, pas dans une autre chambre, pour ne pas que je sois trop traumatisé, mais que ça soit 2 lits dans la même chambre pour qu'on veille sur nous. La grossesse qu'elle portait, c'est la grossesse de ma deuxième fille. Je vous assure, les gynécologues ont dit qu'il faut faire tomber la tension de ma femme. Mais si elle tombe brusquement, elle rend l'âme. Donc tous les infirmiers ont peur. Qui va avoir ce problème devant un fracturé qui va perdre sa femme? Je vous assure, j'ai crié à Dieu à l'hôpital. Seigneur, si ma femme doit mourir, que je meure aussi. Je ne peux pas accepter qu'elle meure, que je sois couché là, qu'on entraîne son corps au cimetière. Je ne peux pas accepter. Si elle est morte, rappelle mon âme à toi aussi, Seigneur. Et le seul fils qu'on a eu, tu prendras soin de lui, parce qu'il avait 9 mois. Et l'infirmier, un des infirmiers a pris son courage pour dire, je vais tenter d'introduire le produit dans le corps de la femme. Et c'était ce jour-là à 17h. J'étais en pleurs. Je la regarde. Je ne peux pas m'asseoir. À cause des fractures, je suis couché. J'écris à Dieu, Seigneur, au secours de notre vie. Éternel, ne nous abandonne pas. Viens à notre secours. Jusqu'au lendemain de 17h. Je n'ai pas dormi de 17h à 17h. En criant Dieu dans toutes mes blessures. Et la santé est tombée. Elle a été ressaisie au dessein de son lit. Mais c'était toujours inquiétant parce qu'on ne sait pas comment l'accouchement va se passer. On dit, bon, le jour de l'accouchement, faut-il faire une césarienne pour éviter des complications? Bien, ma femme a une soeur qui est sage-femme à Lopou, à Dabou, qui était venue nous visiter. C'est elle qui a dit, si elle peut venir, pour que je m'occupe d'elle. En cas de difficulté, je vais la mettre dans une ambulance pour l'envoyer à Dabouville. Donc, dans mon état, elle va me laisser à Dabou pour venir à l'accouchement à Lopou. L'accouchement a déclenché 20h, au plus tard 22h, par la grâce de Dieu, elle a accouché facilement une fille que j'ai nommée Daniel. Je rends grâce au Seigneur. Et des leçons que j'ai retirées de ce petit temps-là, c'est que quand mon épouse est arrivée à l'hôpital, elle est infirmière à l'HPD1, on lui avait donné 5 jours et qu'elle devait reprendre son service. Mais quand elle a vu mon état, elle ne pouvait pas retourner au service. La direction de l'hôpital a fait un message au CHR pour demander qu'elle revienne. Si elle refuse, elle est considérée comme démissionnaire. Elle a dit, je préfère mourir avec mon mari que de travailler. Si Dieu permet qu'il revienne à la vie et que je n'ai pas d'emploi, je peux vendre du nyamaku pour vivre avec mon mari. Ce qui a touché tous les médecins, qui n'ont jamais vu une femme qui a pris un tel engagement. Et ma femme a renoncé même à son service pour partager mes douleurs, mes souffrances. Et le Seigneur a permis que je récupère le sang. Le sang soit renouvelé et que l'intention devienne normale. Et j'ai vu la main de Dieu. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'avais parlé, j'ai fait mon ministère charismatique depuis 90. J'ai été traité de sorcier. Et c'est pour cette raison que j'ai donné le nom de ma fille Daniel. Ce qui veut dire, Dieu est mon juge. Nous sommes bien à témoignage et aujourd'hui nous recevions l'évangéliste Niepoa. Avec lui, nous avons fini pratiquement les 30 minutes réservées à cette émission, mais prochainement nous vous proposerons la suite de ce témoignage. Laurent Bolo, microphone pour la présentation technique et réalisation, Etienne Nyang Wilfried. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes. Vous êtes bien à témoignage et la présentation, c'est Laurent Bolo, technique et réalisation, Etienne Nyang Wilfried. Au cours de l'émission précédente, nous recevions l'évangéliste Niepoa, soulignant que nous sommes toujours accompagnés du serviteur de Dieu. Et dans le programme précédent, l'évangéliste était de retour d'une veillée de famille organisée en février 1994 à Yamoussoukro. Chemin faisant, l'évangéliste est victime d'un très grave accident de circulation. Il y a plus d'une vingtaine de morts et l'évangéliste est parmi les corps couchés, baignant dans son propre sang. Sauvé de justesse et conduit à l'hôpital, il y passe plus d'un mois dans un coma profond. C'est à ce stade que nous étions et nous donnons encore la parole à l'évangéliste Niepoa de continuer à nous raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. À lui soit la gloire, Jésus-Christ le ressuscité. Il fallait passer des moments au bloc opératoire pour mon traitement. Il y a eu des miracles dans le bloc opératoire par Dieu. Il y avait un médecin qui n'était pas parmi les médecins traitants, qui était mis de compassion, qui disait, parce qu'il y avait complication sur la cuisse qui est fracturée. Le matériel qu'il fallait avoir pour faire cette intervention n'était pas Yamoussoukro. Le médecin est venu à Abidjan, il n'en a pas eu. Donc, les médecins sont bloqués. Et celui qui est mis de compassion, il me trouve tout seul sur mon lit. Il me dit, dis au médecin traitant que j'ai envie de te soigner. Et le matériel qu'il ne trouve pas, je peux aller le trouver à Boisflay. Et ce médecin a ses propres frères. Il s'appelle Docteur Léou. Il est allé à Boisflay. Il a eu le matériel. Et ils ont décidé la date de l'intervention pour faire l'intervention sur la cuisse. Je vous assure, si je me déshabille, vous allez voir que du genou jusqu'aux fesses, toute la cuisse a été ouverte pour voir les os fracturés. Et durant cette intervention-là, le peu de sang qui était en moi est sorti. Donc, je suis devenu pâle dans leurs mains, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et je rentre encore dans le coma pour mourir maintenant au bloc. Donc, les médecins chirurgiens sont paniqués parce que personne ne connaît mon groupe sanguin. Elle n'avait pas pris soin de s'apprêter. Ah oui, il fallait sauver à tout prix. Puisque ce n'est pas une transfusion sanguine que les gens m'ont faite. C'est un produit qu'on ne sait pas. Un produit dont j'ignore le nom qu'ils ont utilisé, on n'a pas besoin de connaître le groupe sanguin. Donc, je n'ai plus de sang, je deviens pâle, je meurs dans leurs mains, ils sont paniqués. Et dans leur panique, ils demandent à un infirmier de sortir du bloc pour aller voir ma femme pour demander mon groupe sanguin rapidement. Et avant que l'infirmier ne sorte du bloc opératoire, une voix va sortir de ma bouche, un malade anesthésié. Qu'on opère, qui ne voit rien, mais qui va donner un message. Ne vous troublez point. Il est du groupe A+. Ne vous troublez point. Donc, et en tant que chirurgien, je suis dans une anesthésie profonde et je ne sais même pas les bisturis. Comment je peux dire de... Donc bon, il est en train de délirer parce qu'il est en train de mourir. On dépêche l'infirmier d'aller vite. Et le monsieur court pour aller dire à ma femme qui était en intercession pendant l'intervention. Et ma femme se redresse pour dire, on m'envoie, quel est le groupe sanguin de ton mari? Ma femme dit à l'infirmier, mon mari est du groupe A+. Mais ce qui a été merveilleux et miraculeux, avant que l'infirmier ne revienne au bloc, le sang de Jésus a renouvelé tout mon corps. Alléluia. Je n'étais plus anémié. Le corps a repris vie. Il n'y a pas eu de transfusion sanguine, il n'y a pas eu de produit, j'ai réprévu sur le champ. Et c'est après l'anesthésie que les médecins m'ont dit que voici ce qui s'est passé pendant l'opération. Mes frères, j'avais parlé du Saint-Esprit. Mais pendant ces souffrances, j'ai vu ce qu'on appelle l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma conscience, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes yeux qui voient pour parler, mais c'est le Saint-Esprit qui manipule la langue d'un comateux. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Je suis sorti du bloc. L'opération a été une opération réussite. Et la jambe gauche est réparée, est soudée. Mais ce qui est difficile, la jambe droite. Donc il fallait mettre encore un mois, deux mois, trois mois pour renouveler l'intervention de la jambe droite. Il faut rappeler qu'au niveau de la jambe droite, il y avait une partie de la chair qui avait disparu. Lors, l'os a disparu et on a fait la mesure. Lors, le tibia qui est perdu dans le cas avait pour dimension 12 cm. Et c'est perdu, on n'a pas retrouvé l'os. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais dans leur secret professionnel, puisque tout couché, les orteils, puisqu'il n'y avait plus de tendons ni de nerfs, Donc, au lieu que les orteils deviennent debout comme ça, c'était pendu. Ça ne peut plus revenir comme ça. Et chaque matin, les médecins arrivent pour me demander de faire bouger les orteils. Sans me dire pourquoi. Alors que c'est plus tard, ils me disent, on te disait de faire bouger les orteils parce que si les orteils ne bougent pas, c'est que le pied est mort. Donc immédiatement, on va amputer les jambes. Et quand ils vous posaient la question, vous parveniez à... Ça bougeait légèrement. Légèrement. Il y a des moments, on dit bouge les orteils, remue les orteils. Je n'arrive pas. J'écris, je n'arrive pas. Et puis, au moment où ils sont désespérés, ça bouge tout doucement. Tout doucement, ça bouge. Donc, ils prennent leur compresse, ils mettent sur un fer. On introduit ça vers l'os des genoux en haut pour faire sortir le pus. On envoie ça vers l'os des chevilles là pour faire sortir le pus, nettoyer le lit. Et puis, ils remettent le plâtre et ils referment. On fait le pansement, on nettoie. Ils attendent que les orteils meurent pour amputer la jambe. Et ils ont attendu pendant un an. Un an! Et le lit est rempli de pus. Et j'attends. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je vous assure, pendant ce temps, j'ai été renié par tous. J'ai été renié par tous, sans exception. J'étais seul avec ma femme. Je n'avais ni parents. Je n'avais ni communauté chrétienne. Je n'avais ni amis. Je n'avais ni soeur ni frère. Et j'ai regardé ma femme et nous étions en train de connaître les terribles douleurs de la vie, nous deux. On venait à peine de se marier, il y avait 3 ans. Il n'y avait pas encore longtemps. Et durant un an, le pus devient abondant. Le médecin traitant, il a dit, mais je n'ai rien, sincèrement, je n'ai même pas 5 francs pour me soigner. Mais le médecin traitant, qui se nomme Dr Kassi Abel, qui est présentement à Abidjan, il a décidé de prendre les soins en charge avec ses collègues. Parce qu'il n'avait personne pour m'aider à payer les remèdes. Il n'y avait personne, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans l'église, que ce soit même dans le peuple, personne. J'attendais la mort. Le médecin pouvait m'opérer gratuitement, aller payer les remèdes et dire à sa femme de préparer pour me donner à manger. Et en plus, l'accouchement là, c'est lui qui a fait le trousseau, le médecin, pour garder le bébé à l'hôpital avec moi et sa mère. Et il n'y avait plus de solution, on a affecté le médecin à Abidjan. Et je suis resté à Yamoussoukro. Pas 2 week-ends, il va là-bas pour me voir, pour voir mon état. Mais il voit qu'il n'y a pas de solution. Donc, il a vu un spécialiste à Abidjan. Donc, il faut faire le transfert. Et je n'ai pas les moyens pour payer l'ambulance. Il y a un monsieur, de Dabou, précisément à Lopou, qui s'appelle Nomel David, qui était mis de compassion, qui envoyait sa R12. Ce jour-là, vers 13h, dans mes larmes, on me soulevait avec mes plâtres pour me faire coucher derrière sa voiture pour sortir de l'hôpital ce jour-là. On vient à Abidjan avec moi. En pleurant en chemin, je lui dis, est-ce que tu peux me montrer le lieu de l'accident? Il dit, non, ça ne vaut pas la peine. Et je pleurais de Yamoussoukro jusqu'à Abidjan. On est arrivé l'après-midi. Mais je n'ai aucun moyen pour être hospitalisé. Donc, je ne peux pas entrer à l'hôpital. Le docteur Kassi, encore, me dit, si tu n'as personne pour payer tes frais d'hospitalisation, je ne peux pas accepter que tu meurs dans les rues. Viens mourir chez moi. Donc, il m'a pris dans sa voiture encore pour m'envoyer à Toban où il résidait. On arrivait vers les 19h chez lui. Pour me faire sortir de la voiture, c'était difficile. J'étais en larmes. Docteur Kassi disait, prends courage, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais je ne pouvais pas me contenir. Je pleurais. je voyais ma femme qui avait bébé, plus le premier fils qui était là. Je savais que faire. Je ne savais que faire. Et docteur Kassi m'a hébergé chez lui. J'ai encore fait un an dans sa maison. Il m'a mené au CHU de Trècheville où il était en fonction. Le spécialiste a vu le pied. Il a dit, bon, c'est un pied vraiment... Il y a une partie de ses chevilles qui vit encore. Ce n'est pas encore totalement mort. Mais s'il peut trouver 1 million de francs pour permettre des interventions rapides, on peut espérer. Mais s'il n'a pas les moyens, on doit amputer la jambe. Mais je vous assure, où je vais trouver même 50 francs, même 5 francs. Votre épouse qui a perdu son emploi. Mais elle venait de commencer son service 1er février 1994. J'ai eu l'accident 10 février 1994. Donc elle perd le service en même temps. Totalement. Donc, elle n'a rien, moi je n'ai rien. Elle n'a pas de parents qui peuvent venir à mon secours. Je n'ai pas de parents qui peuvent venir à mon secours. Il n'y a pas de communauté religieuse qui peut venir à mon secours. Je suis abandonné. J'ai tenté de demander de l'argent à des religieux. Ils m'ont dit, pas question. Pas question. J'étais en larmes. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si vous êtes abandonnés de tous, je ne vous abandonnerai point. Seigneur, j'attends de toi la solution. Je vous assure, c'est des inconnus qui ont envoyé de l'argent comme ça, un à un. Et cela a été plus d'un million de francs pour aller donner aux médecins. Et ils vont décider la date de l'intervention au juge de Trècheville. Mais ils m'ont dit, tu es un serviteur de Dieu, il faut qu'on te dise la vérité. C'est une intervention très grave. Et ce n'est pas facile que les malades sortent de cette intervention. Il faut qu'on te l'explique pour que tu pries déjà. Il va y avoir 2 interventions très compliquées à la même minute. Mais j'ai sauté un point important. Au CHU de Yamoussoukro, quand j'ai vu que l'os a perdu et que je suis en train de mouiller le lit de pus, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le temps. Quel sera mon sort maintenant? Le miracle que j'ai connu à l'hôpital encore, une nuit à 2h du matin, ma femme dormait. Dieu fait une révélation au mur. Et j'entends une voix. Je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi pleures-tu? M'as-tu oublié? Ne sais-tu pas qui suis-je? Je suis l'Éternel ton Dieu qui fait revivre les ossements desséchés. Tu pleures parce que tu n'as plus de pieds. Mais je te déclare, moi l'Éternel ton Dieu, que les hommes de la terre ne savent pas ce que je vais te dire. Ici au ciel, j'ai un laboratoire divin. Et dans ce laboratoire, il y a les pièces de rechange du corps de l'homme que j'ai mis en réserve. Si j'ai créé des hommes, je leur ai donné la capacité de fabriquer des voitures, en même temps faire des pièces de rechange. C'est moi l'Éternel Dieu qui vais faire des hommes sans faire les pièces de rechange. Ne pleure plus. Je donnerai l'ordre à un ange de faire descendre lorsqu'il te manque. Et que ton pied soit réparé pour te remettre le bâton de pèlerin, pour aller dans le monde annoncer que je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu qui donne la vie. Si tu ne crois pas, prends Ézéchiel chapitre 37. J'avais la bouche, les yeux ouverts, je regardais. Et quand il a fini de me parler, il dit, regarde maintenant tes ennemis. La première projection que j'ai vue, tous les chrétiens de mon église du village où j'étais. Ils sont assis en réunion pour décider ma mort. Parce que dans mon ministère charismatique, j'ai dénoncé les sorciers qui tuaient les gens dans l'église. Donc ils ont décidé de rendre le coup en me détruisant. Donc j'ai vu le film que Dieu m'a présenté. Deuxième film, comment ils se sont réunis encore avec d'autres étrangers qu'ils ont sélectionnés pour venir à leur secours, pour me tuer. Troisième film, comment ils se sont déplacés du village des postes, des services, pour aller à Zikisso dans mon village. Et arrivé là, ils sont aussi avec les parents. Quelles sont les femmes sorcières qui ont préparé pour leur donner à manger? J'ai tout vu dans le film. Et maintenant, dans leurs décisions, quels sont les parents qui ont donné leur accord et qui sont mêlés à eux pour aller m'attendre sur la route de tout maudit pour me tuer? J'ai tout vu. Et quand j'ai tout vu, la première idée qui m'a été communiquée par le Saint-Esprit, Éternel, il faut ôter l'esprit de vengeance de mon cœur. Si tu ne l'as pas fait et que je sors de l'hôpital, je vais agir. Et si j'agis, je ne pourrai plus glorifier ton nom. Que je ne sois pas révolté, mais que tu me donnes un cœur nouveau, malgré les douleurs, malgré ce que je traverse. Je vous assure, il m'a donné un nouveau cœur. Je suis allé manger avec ces personnes après mon hospitalisation de 3 ans. J'ai mangé avec eux. Et maintenant, j'arrive à Abidjan. Donc, j'avais besoin de voir l'orphelin que j'ai élevé. Ça fait 1 an. J'ai dit, mais qui lui donne à manger? Qui s'occupe de cet enfant? J'ai pleuré pour l'enfant à l'hôpital. J'ai pleuré pour l'enfant. J'ai dit à mon grand frère d'aller chercher l'enfant. Je vais le voir. Parce qu'il y a longtemps, j'ai vu l'enfant. L'enfant arrive à Abidjan, chez le médecin où j'étais. Et puis, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me pousse à lui poser question. Sandokan, qu'as-tu fait dans l'accident que j'ai eu? Et il ouvre les yeux comme ça. Il me regarde, il ne répond pas. Il mâche ses lèvres. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je te pose une question. Qu'as-tu fait dans l'accident que j'ai eu? J'ai insisté 5 fois. Il dit, l'accident que tu as eu là, c'est les sorciers de l'église qui m'ont trouvé mercredi nuit à la maison pour dire, donne ton père, on va le tuer. Je leur ai dit, c'est vrai, c'est mon père, mais c'est mon père adoptif. Je ne connais même pas son village. Je suis d'accord qu'on le tue, mais il faut qu'on aille demander ses parents. Donc, il va expliquer maintenant la vision que Dieu m'a montrée. Ils vont tenir réunion là où j'étais pour aller dans mon village. Et il dit, tes parents ont donné leur accord, mais deux se sont mêlés à nous pour qu'on ait été tués. Et là où on est allé, à tout le monde dit, pour t'attendre, il y a un génie là. Et on a demandé la permission aux habitants de tout le monde dit, c'est leur terre. Donc il faut leur demander la permission pour opérer. Donc, dans notre discussion, ils nous ont demandé un pourcentage des casiers de liqueur qu'on aura dans l'accident, c'est-à-dire le sang humain des gens morts. Et quand le cas venait, on attendait le cas. Et quand c'est arrivé à notre niveau, on a pris le cas pour le jeter contre un autre cas, pour le broyer, et on t'a tué. Mais on est dépassé, on ne sait pas pourquoi tu vis. Et lorsqu'on dit c'est perdu là, c'est moi j'ai récupéré pour donner à tel monsieur dans l'église. Et on t'amène là, tout le monde dit, on fait tout pour qu'on t'amène à la mort pour finir avec toi. Et les gens retardent. Les gens retardent. On voit que les gens sortent avec toi pour aller à Yamoussoukro. Et encore on te fait coucher là-bas. Donc on est entré à l'hôpital de Yamoussoukro, au milieu de la foule. Et tel monsieur m'a donné une corde pour t'attacher maintenant les pieds fracturés. C'est quand j'attachais tes pieds que tu criais, Sandokan, laisse mes pieds, cesse tes pressions. Thank you. J'étais vraiment abattu en l'écoutant. L'enfant que j'ai aimé, il a perdu son père et sa mère. En tant que serviteur de Dieu, je vais l'aider à devenir quelque chose dans la vie. Il décide de ma mort. Et il me dit, on dit tu n'avais pas de sang. C'est nous qui avons bu ton sang. Je lui ai demandé, tu en as bu aussi? Il dit oui. Toi, tu bois mon sang aussi? Il dit oui, j'en ai bu. J'ai dit bon appétit. Bon appétit. Merci d'avoir bu mon sang. Mais le Seigneur m'en a donné du nouveau. Et maintenant, il me dit, quand j'ai fini d'attacher tes pieds et tes bras à l'hôpital de Yamoussoukro, ce monsieur qui avait récupéré l'os là m'a remis un morceau de bois pour t'assommer en même temps au cou pour te terminer à l'hôpital. Pour ne pas qu'on t'amène au bloc que tu dis cela. Et au moment où j'ai soulevé ce morceau de bois pour te terminer, pour taper ton cou, il y a eu un feu puissant qui a éclaté, qui nous a dispersés. Alléluia. Et nous avons tous fui. Personne ne pouvait rester là. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas de l'eau pour éteindre ce feu-là, pour me tuer en même temps? Tu ne peux pas prendre de l'eau? Je dis quoi, l'eau? De l'eau? Si c'est l'eau, nous, on allait mourir à l'hôpital là-bas. Je dis, ah bon, tu sais à qui tu as affaire. Et il a confessé ce qu'il a dit. Mais je reconnais le feu du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2 qui est descendu dans la chambre sur les apôtres. Et je vous dis, une parenthèse, quand j'étais en quatrième, en tant qu'élève chrétien fervent, j'ai reçu le baptême de l'Esprit Saint qu'on ne m'avait jamais enseigné. Et quand ça arrivait, j'étais perturbé, je criais. Et c'est Dieu qui m'a dit, n'aie pas peur, je te baptise. Mais comment s'est-il passé ce baptême? Une nuit à 0h, j'ai fini d'étudier, je vais me coucher, je me mets à genoux à côté de mon lit, j'ai prié dans la chambre, la lumière est éteinte, je vois une forte lumière qui sort du plafond avec un feu puissant qui descend sur moi et qui prend toute la chambre, qui me fait tomber de mes genoux. Et je vois que le feu est là. Je suis couché dans le feu. J'écris, Éternel, qu'est-ce que je fais? Je vais mourir. Oh, je suis foutu. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je tremble. Le feu est là. La lumière est là. Mais je ne brûle pas quand même. Je tremble de peur. C'est là que j'ai entendu la voix de Dieu. N'aie pas peur. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te baptise de mon esprit. Et c'est en ce moment tout est parti. Et suis revenu à moi. Et c'est ce jour-là que j'ai vu ce feu-là a fait quelque chose dans ma vie, devant mes ennemis. Quand il me dit, il y a un feu qui nous a dispersés, ça m'a rappelé ce jour où le Seigneur me dit, n'aie pas peur, je t'ai bâti de mon esprit. Ô Saint-Esprit, à toi la gloire. Être chrétien sans esprit, sans le Saint-Esprit, c'est vraiment ne pas être chrétien. Et si tu as le Saint-Esprit, tu es chrétien, sans le Saint-Esprit, le sorcier peut te détruire, broyer facilement. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai connu l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Mais ce n'est pas fini. Un matin, le médecin, Dr Cassie, fait des va-et-vient à Toban 13, vit tout le temps avec moi. On me soigne. Puisque je n'ai pas les moyens pour être hospitalisé, on me soigne. Il vient me garder chez lui à la maison. On m'opère. Il vient me garder à la maison. Et il me prend en charge avec mes deux enfants. Et une nuit, vers 2h du matin, chez lui, dans la cour voisine, mon bébé qui est né, plus l'autre, dorme à côté de moi. Ma femme est à la terrasse. Et derrière la maison, mes deux enfants pleurent. Mes deux enfants là pleurent, pourtant ils sont couchés à côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis rendu compte qu'ils sont en train de tuer mes enfants. Donc j'ai crié, Éternel au secours, Éternel au secours, combat pour moi, combat pour moi. Docteur est arrivé, ma femme est arrivée, ma femme criait. Elle venait, croyant que c'est les enfants qui sont tombés du lit. Elle voit, les enfants dorment, mais elle entend les pleurs dehors. Elle est étonnée. Nous donnons à commencer à prier. Et l'enfant va dire que, comme on n'arrivait pas à me tuer, il fallait tuer les enfants là pour m'angoisser. Donc c'est les enfants qui sont venus attraper. Et quand j'ai commencé à prier, l'armée céleste est descendue pour les disperser. le feu de Dieu les a poursuivis encore pour relâcher les enfants. Ah, toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant des lumières, l'ange est descendu et roula la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Merci, évangéliste Ignepois. Et cette chanson est vraiment à propos. Vous avez vu la gloire de Dieu venir à votre rescousse, d'abord à votre secours, et ensuite garder vos enfants de cette attaque démoniaque. Notre témoignage, votre témoignage, nous allons pour un temps l'interrompre, histoire de nous retrouver une autre fois pour la suite. Et à la technique, il y avait Etienne Wilfried, présentation Laurent Bolo. Le conseil que nous voulons donner à nos auditeurs, c'est de rester fidèlement attachés à Dieu, car celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui qui aime Dieu, vivra toujours. Malgré les difficultés, il sera toujours vainqueur de l'adversité. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait et à une autre fois pour la suite de ce témoignage. Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes. Nous vous savons nombreux à l'écoute des programmes de témoignages et nous souhaitons que ce que vous entendez au travers de ces expériences personnelles de nos invités suscite en vous la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Laurent Bolo, microphone pour la présentation technique et réalisation, Etienne Niagne Wilfried. Nous continuons aujourd'hui notre interview avec notre invité qui n'est autre que l'évangéliste Ignepois. Rappelons que dans les deux premières parties de son témoignage, le pasteur était de retour d'une veillée familiale à Yamoussoukro. C'était en février 1994. Il est victime d'un grave accident de circulation lors de ce retour et au cours de cet accident, on dénombre une vingtaine de morts. Survivant miraculeux de ce grave accident, le pasteur est hospitalisé pendant un an à Yamoussoukro, à l'hôpital de Yamoussoukro, puis évacué à Abidjan. Il est aussi hospitalisé pendant un an. Les choses ne resteront pas là, hein, parce que le Seigneur révélera à son serviteur ceux qui l'en veulent et ceux qui lui veulent tant de mal. N'est-ce pas, homme de Dieu? Oui. Et là, à Abidjan, toujours, vous n'êtes pas totalement bien portant, mais vous êtes rassuré par le Seigneur, qu'il est avec vous, qu'il vous soutient. Et puis, nous étions arrivés à la phase où il fallait une opération, je ne sais pas si nous avons oublié quelque chose. Non. Voilà, donc il fallait une opération qui coûtait cher, 1 million. Et le Seigneur vous permet d'avoir cet argent, au-delà même, avec la bienveillance des gens, des uns et des autres, que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Et nous sommes à la phase de l'opération. Vous avez dit tantôt que c'est une opération risquée. Et là, les médecins, les éminents docteurs vous demandent de prier, de faire confiance en Dieu. Oui, et j'ai commencé à prier pour que le Seigneur prépare l'intervention. Le jour étant arrivé, le médecin m'amenait ce jour à l'hôpital, mais en sortant de sa maison, il a démarré la voiture, je lui ai dit, docteur, veuillez éteindre le moteur, nous allons prier. Mon épouse et mon bébé étaient devant, moi j'étais couché derrière avec les plâtres. J'ai prié et la voiture a démarré. Ce jour-là, il y avait la marche des FPI, les opposants, au temps de midi. Donc, il fallait dévier pour la marche, au lieu de passer par la voie du stade de Feu-Boigny, il fallait passer par la voie de l'Indénier. Donc, en allant après la prière là, on était sur la montée de l'Indénier et tous les véhicules, la baka, fumaient. Donc nous, on pensait que c'était les autres véhicules qui fumaient, alors que c'est la voiture du médecin qui prenait feu. Quand il s'est rendu compte, parce que la fumée sortait beaucoup maintenant dans le capot, il a crié, la voiture prend feu, et il a stationné. Il est descendu avec empressement. Mon épouse est sortie, mais moi, je ne peux pas sortir. Je suis bloqué parce que je suis plâtré. Je suis couché. Ma femme crie. Le miracle de Dieu va s'accomplir. Il y a un tuyau qui fait véhiculer le carburant qui brûle, mais ça ne prend pas feu. C'est-à-dire, la voiture pouvait exploser d'un moment. Tout d'un coup. Et cet enfant Sadokan va me dire encore que on tente par tous les moyens pour que tu sois tué. On a dit, si on continue à chercher des accidents, on ne peut pas l'avoir. Mais s'il est plâtré et que la voiture a pris feu, là, on va le briser, il est cuit et puis c'est fini, on a gagné. Mais on a mis le feu dans le moteur. Le caoutchouc brûle, mais le carburant ne prend pas feu. Jusqu'à ce que les gens interviennent pour tout arrêter. Et ma femme criait que si mon mari doit être brûlé, je vais me jeter dans le feu. Et le Seigneur éteint le feu. Romains, chapitre 8, verset 31. À l'égard de tous ces méchants, toutes ces choses, que dirions-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh Seigneur, je bénis ton nom, tu es fidèle. Et à cause de mes prières de délivrance, beaucoup disaient, on verra, ces prières-là vont le guérir. Et c'est pourquoi je n'ai eu aucun soutien. Selon les raisonnements des hommes. Mais j'ai compris après que le Seigneur ne voulait pas que mon secours vienne des mains des hommes pour que son nom seul soit glorifié. Et le feu est éteint, on est allé, l'intervention a eu lieu. Et ils ont commencé l'intervention. Mais avant l'intervention, j'ai fait une veille de prière dans mes plâtres. Seigneur, envoie une armée céleste autour des CHU de Trècheville pour empêcher les sorciers qui vont entrer dans le CHU et de me détruire. Seigneur, envoie une armée céleste, une réunion des gens militaires tout autour du CHU et même dans le bloc des médecins chirurgiens. Je t'en supplie. Et on est allé au bloc. On m'a endormi. Et la promesse de Dieu va s'accomplir pour que l'os soit revenu. L'intervention a duré de 8h à 16h. Toute la journée. Les médecins sont fatigués. L'anesthésie finie, on remet. L'anesthésie finie, on remet. Donc, je vais mourir de ce qu'est de l'anesthésie finalement. Parce que j'ai vécu l'anesthésie depuis 94, février 94, jusqu'à ce jour-là, décembre 95. Décembre 95. Ils ont fini l'intervention. On demande à l'infirmier spécialiste de plâtre américain. Il est venu faire le plâtre. Il refuse. Il dit, il ne veut pas. Bon, les chirurgiens ont dit, bon, nous, on a fini pour nous. Nous, on ne peut rien faire, on sort. Et docteur Cassie pleure dans le bloc. C'est l'enfant de ma mère. Ne l'abandonnez pas, mes collègues. On dit, mais on n'est pas l'abandonné. Nous, on ne sait pas faire plâtre. On va faire quoi? Docteur Cassie pleurait. Et il sait que toutes ces heures d'intervention seront vaines si le plâtre n'est pas fait. Lui, il n'a jamais fait des plats américains aussi. Et puisqu'il n'y avait plus de solution, il dit, bon, je vais tenter de faire. Et Dr. Cassie fait des tentatives et il réussit à faire le plat américain. Et il fait sortir mon corps, toujours dans l'anesthésie, pour aller dans une salle, pour que je sorte de l'anesthésie avant de m'emmener à la maison. Mais je suis resté 3 jours sous les effets de l'anesthésie. Et le premier jour, d'après ce qui m'a été dit, j'ai rentré l'âme, j'ai grelotté maintenant, je ne tenais plus. Et Cassie se battait, Dr. Cassie se battait. Il rentrait par-ci, par-là pour chercher des remèdes, pour me faire. Et il n'a pas voulu que l'infirmier me touche. Aucun infirmier ne m'a touché. Il a été du premier jour de l'accident jusqu'à la fin. Et tout cela à ses propres frais. L'hospitalisation coûtait 5000 francs par jour dans la chambre climatisée où il m'a mis. Et durant les 12 mois, il devait payer le montant. Cassie a pris ça en charge pour payer. Abidjan, il a pris la même responsabilité encore. Et en même temps qu'il me donnait les soins gratuitement, il me faisait des interventions, il me donnait de l'argent de poche. Il s'occupait de moi. Et on est sorti du bloc. Ils ont dit, bon, il n'a que 6 mois de suspendre le pied sur des coussins, couché sur ton dos, sans bouger jusqu'à 6 mois. Pour voir si vraiment le pied peut être encore un pied. Bon, j'ai dit, bon, si je suis resté couché pendant des années sans bouger, je peux continuer. Je suis resté couché, le pied suspendu. Si je veux faire des urines, on met urinant là-bas de moi. Si je veux faire les selles devant tout le monde, on me soulève. Je n'avais plus de vie. Même moi aussi, acheté de Yamoussoukro. Quand je veux faire les selles, ma femme est obligée d'appeler les parents des autres malades, au moins 10 personnes, 5 à gauche et 5 à droite, et on me soulève. Et ma femme met la vase en bas de moi et devant tout le monde, il fait les selles. C'était vraiment humiliant pour moi. Je n'y pouvais rien. Et devant les gens, elle va me nettoyer pour me faire recoucher. Et les 6 mois que les médecins ont demandé, durant ce temps, j'avais déjà fait 3 mois, le pied suspendu. Et une nuit, je dors, je me retrouve dans un songe. Et dans le songe, les anges sont arrivés pour dire, c'est assez. Descends le pied. Ils m'ont soulevé dans le songe. Marche. J'ai dit, ah, marche. Et j'ai commencé à marcher dans le songe. J'ai commencé à marcher difficilement. Et tout d'un coup, j'ai couru dans le songe. Et puis, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, il était 6 heures du matin. Et ce jour-là, j'étais couché jusqu'en vers 11h, 12h. L'onction de Dieu est rentrée dans la maison. Lève-toi, marche maintenant. Me lever, marcher. Chose que vous n'avez pas faite, c'est là longtemps, hein? Non, non. 2 ans ou plus. Mais les pieds sont raides, comme un morceau de fer. Donc, je me lève. On avait déjà acheté des cannes pour que je puisse m'entraîner à les cannes. J'ai dit à ma femme, donne-moi les cannes. Elle approche les cannes. Elle m'aide à me lever. Je tiens les cannes. C'était un peu difficile pour moi. Il y avait le vertige. Mais je tiens. J'ai fait le premier un pas en sautant avec les cannes. J'ai sauté 2-3 pas. J'ai eu une... C'est-à-dire le pied droit est devenu léger. J'ai déposé à terre. Mais comment prendre l'appui dessus parce que il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Il y a eu un vide. On a fait un travail. Donc, si je prends appui dessus, tout est gâté. Et l'Esprit de Dieu m'oblige à prendre appui dessus. Je prends appui. Les cannes tombent. Je commence à marcher. Alléluia. Je commence à marcher. Et le médecin à l'hôpital, il n'est pas là. Je crie. Le soir, il arrive. Je suis couché. Il dit, docteur, tout est accompli. L'accident a permis la conversion de plusieurs médecins. Même à Yamoussoukro, docteur Léou, qui n'est pas chrétien, qui a eu la compassion de participer à mes soins, Un jour, il me disait, puisque au CHR, la salle était devenue une église, parce que je suis intercesseur. J'ai pris, couché, on envoie les autres malades dans ma salle, j'ai pris, les gens guérissent, ils s'en vont. Mais moi, je suis couché. Donc, on dit au médecin qui est entré d'attendre qu'on va prier pour lui. Il dit, bah, lui là, le jour qu'il marchera, nous tous, on va croire en Dieu. Parce que lui, il sait qu'il ne peut jamais marcher. Je lui ai dit, selon la vision que j'ai eue dans la salle, que je marcherai. Quel que soit le temps que ça va me prendre, je marcherai au nom de Jésus. Il dit, on verra, quand tu vas marcher, je croirai que Dieu est Dieu. Et quand j'ai marché, on l'a appelé. Il est venu. Et j'étais dans une chambre. Il était pressé de me voir. Il dit, dites-lui de sortir, je vais le voir. Je sors. Et devant lui, j'étais squelettique dans l'accident. Mais j'ai pris du poids maintenant. Je sors. Il ne me reconnaît pas. Il crie. Il m'embrasse. Il me dit, pour ton ministère, je suis prêt à répondre. Là où tu as besoin d'une aide médicale, je te donne ma parole pour tout ton ministère. J'ai vu, Dieu est Dieu. J'ai embrassé Docteur Leou. Il est encore à Yamoussoukro. À l'heure où je rends ce témoignage, que le Seigneur le bénisse avec sa famille. Que le Seigneur bénisse sa carrière, ainsi que tous ceux qui ont participé. Docteur Leou, Docteur Cassie, Eugène Lasma, David Nomel et sa famille, Amos Boni, et aussi le président actuel de l'église, je lui rends hommage. Il n'était pas président ce temps. Il était aussi malade. Il était alité, invalide, il ne marchait pas. Il pleurait pour moi. Il envoyait les gens, allez-y à son secours. Il appelait des gens, allez-y l'aider. Pasteur Boni a pleuré avec moi. Il cria à Dieu, relève le Seigneur. Relève-nous ensemble pour qu'on puisse glorifier ton nom. Et je vous assure, lui aussi, il était humilié à cause de son état. Mais Dieu merci, il est debout. Et même Dieu l'a placé devant l'église. Et ce qui est encore miraculeux, c'est qu'il disait, Seigneur, relève-nous pour qu'on puisse te servir ensemble. Aujourd'hui, en son temps, j'ai eu mon concours de l'Institut supérieur de théologie, et bientôt, je m'en vais pour mes études pastorales. Dans quelques semaines. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai rendu hommage au serviteur de Dieu, président Boni de l'église méthodiste, et tous ceux qui ont pleuré avec moi. Pasteur Aïe, qui est au plateau, que le Seigneur le bénisse. Père à son âme, Pasteur Fato, qui pouvait pleurer avec moi. Le Seigneur est vivant dans ma vie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu y entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien. Il y a de l'espoir pour toi. Et même quand tout va mal. Le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. C'est un peu ce que vous avez vécu, évangéliste Niepoix. Les sorciers vous ont calculé et ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ en chemin. C'est vrai. Et qui vous a délivré. Et sont nombreux les auditeurs qui nous écoutent et qui certainement sont marqués par votre témoignage. Si vous en suivez, ils nous ont suivis depuis 3 épisodes. Ils sont marqués par ce témoignage. Et certainement, vous avez un message pour eux. Et il y a aussi ceux-là qui nous écoutent. Et puis, connaître Dieu, bon, ce n'est pas trop important pour eux dans la vie. Ils croient en d'autres choses. Ils ont des protections autres que la protection divine. Certainement, vous avez un message pour ces personnes. Merci beaucoup. Dieu est Dieu. Il n'a point d'égal, l'Éternel des armées, le Père de Jésus. Il m'a ramené de la mort à la vie. Les sorciers ont su qui était mon Rédempteur. Ils ont vu de leurs yeux ce que l'Éternel a opéré. Ils ont confessé le feu du Saint-Esprit qui les a poursuivis. Ils ont vu l'armée céleste. Toi qui m'écoutes, depuis le début de ce témoignage, sans doute, tu es dans une situation de désespoir. L'Éternel est la solution. Jésus-Christ est la solution. Mon frère, viens à Jésus. Si je n'avais pas accepté Jésus depuis mon bas âge, si l'Esprit de Dieu n'était pas venu dans ma vie, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Ni mon épouse qui pleurait, ni mes enfants, personne ne pouvait me donner la vie, ni les médecins. L'Éternel était à l'œuvre. Il combat les sorciers. Et ce qui est merveilleux, les sorciers, après 3 ans d'hospitalisation, ils ont confessé leur forfait publiquement avant de rendre l'âme. Ils ont confessé. Dans le village où j'étais en poste, ils l'ont confessé. Dans mon village. Malheureusement, ces personnes ont été rappelées par Dieu au jugement. Oui, souvent, nous sommes poursuivis par l'ennemi sur la terre. Et nous croyons que c'est la rose-croix qui peut nous sauver. Nous croyons que c'est la sorcellerie, les marabouts, les féticheurs. Mes frères, mes sœurs, je vous assure que l'Éternel est la solution. Jésus-Christ est la solution. À l'hôpital, mes ressortissants de Yamoussoukro, c'est-à-dire les gens des Ikisso, ils m'ont dit, mais tu pourris à l'hôpital. On connaît un Burkinabé qui peut te faire marcher. Nous sommes venus te chercher pour aller le voir. Je leur ai dit merci. Si c'est mon temps, c'est ma destinée de mourir de cette manière, j'ai l'assurance que je verrai Dieu face à face. Si je dois mourir à l'hôpital, je préfère mourir pour voir la face de l'Éternel. Je n'irai jamais chez un féticheur dans mes douleurs. J'ai mis toute ma confiance à l'Éternel. Et même les gens qui ont envoyé les médicaments indigènes, j'ai tout refusé. Mets ta confiance en Jésus. Quitte le monde des ténèbres. Quitte le monde des péchés. Mets ta confiance en Jésus. Vis pour le Seigneur Jésus. Marche pour Jésus-Christ. et il fera tout pour toi. Il est le Seigneur qui ne laisse jamais ses brebis dans la confusion. Il est le Seigneur qui n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. Je vous assure. Je suis rentré à l'hôpital 10 février 1994. Tout malheureux, 105 francs. Mais aujourd'hui, je suis véhiculé. Je suis rentré à l'hôpital sans même avoir un abri. Aujourd'hui, le Seigneur m'a bâti des maisons. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu sa puissance. Et j'ai vu l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, décide de donner ta vie au Seigneur. Il m'a accordé un ministère de délivrance. Si tu viens me rencontrer, je te montrerai la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les ouvriers de Radio Fréquence Vie. Sans oublier leurs frères de Radio Espoir. Que le Seigneur les bénisse abondamment pour leur mission. Amen.